coucou. Bonjour, bonsoir, vous êtes là? Bon, vous allez avoir droit dans cette émission à des chansons que vous connaissez. Cette 741e va nous parler un peu de tout. Elle va nous parler un peu de tout et ce sera Hubert et Eric, tendance donc, qui vont animer cette émission en grande partie. On retrouvera également l'ami Bourville, Julio, et puis peut-être d'autres, on verra. Dans cette émission donc, nous allons commencer tout de suite avec une très très très belle chanson qui nous parle de nos montagnes. Nos montagnes, vous le savez, lorsque nous partons en voyage et que nous ne les voyons plus pendant, 10 jours, 15 jours, c'est une véritable catastrophe. Alors quand on les retrouve, bien sûr, eh bien, nous sommes heureux. C'est pourquoi on va commencer avec cette très très belle chanson, Montagne de Bugey. Il coule les beaux nuages dans la vallée bleue du ciel. Il tremble les verts feuillages à la voix du vent cruel. Les champs, la forêt, pluie noire, les sapins à l'air vainqueur. C'est là ma fierté, ma gloire, c'est ici que vit mon cœur. Jolie montagne de mon Bugey, dans ces campagnes, toujours je vivrai. L'ennui me gagne quand je m'en vais, loin des montagnes du joli Bugey. Les prés sont pleins de jonquilles quand revient le mois de mai. Le long des ruisseaux qui brillent, que de bouquets d'or l'enfer. S'ouvrent les blancs narcisses, c'est bientôt le temps d'aimer. Aux lèvres déjà fleurissent les serments, les doux baisers. Jolie montagne de mon Bugey, dans ces campagnes, toujours je vivrai. Je m'en vais loin des montagnes du joli Bugey. Aigles, j'écoute le bruit des vents. Il viens caresser les seigles et chante avec moi souvent. Jolie montagne de mon Bugey, dans ces campagnes, toujours je vivrai. L'ennui me gagne quand je m'en vais. Loin des montagnes du joli Bugey. Loin des montagnes du joli Bugey. Voilà, c'est bien comme je vous disais, hein, l'ennui nous gagne loin de ces montagnes, loin du Bugey. Voilà. Et quand on revient, c'est le bonheur. Allez, puisque nous y sommes, nous allons non pas rester dans nos montagnes, puisqu'il y a aussi d'autres pays qui sont pas vilains, comme on peut dire. Hein. Et on va faire un petit tour du côté de Castille. Toujours là ? Vous êtes toujours là ? Bon, eh bien, si vous êtes toujours là, c'est que vous aimez ce qui se passe dans cette station de radio. Alors, on va y aller. On va y aller et on va voir si vraiment, d'après ce qu'on peut nous dire parfois, la vie est belle. Lorsque là-haut dans le ciel passent les hirondelles, est-ce que la vie est belle ? Un accordéon joyeux joue un air fabuleux à ce que l'on est heureux. Et le soir dans les ruelles, garçons et demoiselles chantent des ritournelles. Bien vite ils sont amoureux et c'est miraculeux, ils se retrouvent à deux. Et les yeux dans les yeux, ils dansent en cadence. Langoureux, désireux, ils sont remplis d'éloquence. Et bien tous sous les tonnelles comme de tourterelles à ce que la vie est belle. Bien cachés dans leur abri, ils apprennent les replis de leur anatomie. Quand on est petit enfant, bercé par ses parents, on se sent en confiance. On joue avec les copains, on ne s'occupe de rien, c'est fou ce qu'on est bien. Puis on est adolescent et l'on s'en va rêvant écrire une romance. Quand l'amour a pris nos cœurs, on voit la vie en couleur. Lorsque là-haut dans le ciel passent des hirondelles, à ce que la vie est belle. Un accordéon joyeux joue un air fabuleux, à ce que l'on est heureux. Et le soir dans les ruelles, garçons et demoiselles chantent des ritournelles. Bien vite ils sont amoureux et c'est miraculeux, ils se retrouvent à deux. Et les yeux dans les yeux, ils dansent en cadence. Langoureux, désireux, ils sont remplis d'éloquence. Et bientôt sous les tonnelles comme de tourterelles, à ce que la vie est belle. Bien cachés dans leur abri, ils apprennent les replis de leur anatomie. Belle la vie. Eh oui, elle n'est pas belle la vie. Oui, parfois elle n'est pas si belle que ça. Mais bon, voilà. Il faut la vivre. Il faut la vivre et essayer de la vivre le mieux possible. C'est joli ça, non ? Aimez-vous ce petit air-là, c'est un air qui chante en moi. Depuis que vous êtes là, il est bien ce petit air-là. Vos grands yeux si malicieux en ont fait un air joyeux. Quand il aperçoit vos dents, mon petit air devient gourmand. Pour mieux encore l'inspirer, faudra donc tout lui montrer. Ah là là là là là là. Quel coquin ce petit air là. Il est fou de tout ce qu'il voit, et bien peu de ce qu'il ne voit pas. Je fais mon malin comme ça, mais quand je vous imagine dans mes bras, je sens déjà mon cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat. Ah la la la la la la. Mon petit air sera béat si jamais vous dévoilez tous vos charmes les plus secrets. Là mon petit air se taira, l'émotion ça coupe la voix. Il est vrai, dans ces cas-là, c'est bien mieux quand on ne parle pas. Et si nous pleurons de joie, nous saurons très bien pourquoi. C'est parce que tout simplement, nous nous aimerons vraiment. La la la la la la la. mon petit air rechantera pour montrer aux gens curieux qu'on est bien heureux, nous deux. Qu'on est bien heureux, nous deux. C'était donc notre ami Bourvil et par moments Pierrette Bruno. Allez, on va faire un petit tour avec Julio Iglesias qui va nous chanter Baila Morena. Bajando la ladera por el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú la bailas como ninguna. Es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Ah, c'était donc Julio Iglesias avec Baila Morena. Des aéroports qui se ressemblent, New York. décidément, c'est du direct et il y a un petit souci. On va changer. On va prendre... Ah, ça y est. Petits ennuis comme ça que l'on retrouve lors d'un direct, alors que voilà, on espère que tout fonctionne parfaitement. Malheureusement, parfois il y a des petites surprises même dans nos musiques. Voilà, pardon pour cette petite contrariété, pour cette mauvaise qualité de ce son. Tu voulais, j'irai cueillir sur la lagune le blanc nacré des fleurs d'écume. Si tu voulais, si tu voulais. Dans l'ombre bleue des soirs de brume, j'allumerai des clairs de lune. Oui, si tu voulais. Pour toi, sans regret, là-haut j'irai brûler mes mains plus jamais. La nuit sur notre amour descendrait. Si tu voulais. Je t'offrirai des matins clairs, brodés de perles, de lumière. Si tu voulais, pour toi, sans regret, là-haut. Si tu voulais, la corrida lyonnaise, c'est un paso doble et c'est l'ami Hubert et l'ami Eric qui s'y attachent.

vaste Java là. On la danse à petits pas, un, deux, trois, comme ça. C'est pas fait par un creuson, pas fait pour les michetons ni pour les gonzesses à pognon. Y'a que nous seuls qu'on l'a fait, c'est la vraie de vraie. Allez, un petit tango. Eh oui, un petit tango pour se mettre au repos de tout ceci. Corrientes, 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor. Visito que puso madre, piano estera y velador. Un teléfono que contesta y una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mangue. A media luz, y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz los dos, con este tango que es burlón y compadrito, se a todos alas la emoción de mi suburbio, con este tango nació el tango y como un grito, salió del sórdido barrial. Buscando el cielo, conjuro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Tango querido, tango argentino, siento que llega un puntapié para besarme. Cuando tu canto nacía al son de un bandoneón. Vous l'avez reconnu ? Ah oui, je pense que vous l'avez reconnu. Hein. C'était tout simplement un Julio Iglesias. Et comme aurait dit, mon ami Luc Sandro, Julio Essuie-Glace. A le cœur qui résonne au fil des saisons. Ma maison, c'est un accordéon, des livres de chansons. Ma maison a pris mon cœur d'enfant, m'a fait devenir grand. Ma maison, c'est l'amour tous les jours qui joue avec le temps. Tout autour, les jardins sont fleuris, les vergers sont garnis. Tous les jours, elle accueille sans compter les meilleurs amis. Et souvent, le vent vient discuter pour parler du pays. En sifflant, il raconte la vie de tous les gens d'ici. chaleur de sa cheminée blanche réchauffe l'intérieur. C'est son cœur qui nous donne chaque jour des leçons de bonheur. Et le soir, elle se repose enfin, les enfants sont couchés. Et le soir, tout autour, les montagnes semblent la protéger. Ma maison a le cœur qui résonne au fil des saisons. Ma maison, c'est un accordéon des livres de chansons. Ma maison a pris mon cœur d'enfant, m'a fait devenir grand. Ma maison, c'est l'amour tous les jours qui joue avec le temps. On continue dans la valse, on continue dans la valse. Pierrot et Marie, du côté de l'hôpital, c'est pour vous. L'hôpital village. Hein. Il fait chaud, les amis, hein. Allez, 3 minutes de repos. te dirai, c'est toi que j'aime, alors j'inventerai d'ardents poèmes. Pour toi je chanterai des mots suprêmes, lorsque je te dirai, c'est toi que j'aime. Des mots suprêmes, lorsque je te dirai, c'est toi que j'aime. Ça vous a pas suffi? Encore deux minutes? Bon, allez, encore deux minutes. Je vis un rêve enchanté. Pourtant, j'ai peur quand même à la pensée que tu pourrais me quitter. Sans savoir ce que sera demain, ma vie est entre tes mains. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Après toi, mon cœur sera fermé pour toujours. Ici-bas, rien ne m'attire que ton sourire. Ici-bas, rien ne m'émeut que tes grands yeux si bleus. Tout en moi t'appartient sans retour. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Ah, c'est déjà fini? Oh, comme cela va vite, ça va trop vite. Allez, on va terminer cette première partie de l'émission, peut-être avec Mimosette, on verra. Elle avait 16 ans, de jolis yeux rieurs. Le soir à Montmartre, elle vendait des fleurs. Les clients qu'elle savait séduire à ses fleurs préféraient un sourire. Mais pour avoir un sourire plus joli, plus d'un amoureux, le cœur vraiment épris, achetait simplement pour lui dire, je te désire, jolie Mimi. Mimosette, jolie

parce que je t'aime bien. À propos, je te l'ai jamais dit, mais moi qui ne suis pas dégourdi, ben j'ai fait des rêves un peu hardis, parce que je t'aime bien. Casimir. Oh, Capucine. Quoi? Ben, là j'ai chaud. Mais tu vois, en réfléchissant bien, quand je dis que c'est à toi que je tiens, c'est pas tellement parce que je t'aime bien. C'est pourquoi alors? C'est parce que je t'aime. Terra do meu pai, quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus olhos tristes que fan me chorar. Un canto a Galicia, hey, terra do meu. Tanto errado meu pai, quero as tuas ribeiras que me faz lembrar os teus olhos tristes que faz me chorar. Un canto a Galicia, hey, errado meu. Saudade, porque estou lejos de esos teus lares. Tenho morriña, tenho saudade, tenho morriña, tenho saudade, porque estou lejos de esos teus lares, de esos teus lares. Terra na é, Allez, c'était un canto a Galicia et c'était notre ami Julio Iglesias. Une terre entre l'or et le feu qui dort en plein soleil. Des rochers qui caressent à la fois le ciel et l'océan. Dans le cœur une rose d'amour au parfum de miel. Sur les lèvres cette vieille chanson que chantait le vent. Mariachi jouait chaque nuit. Cette vieille chanson qui nous faisait mourir de bonheur. Et de jour en jour l'écho de cette mélodie qui fait danser les souvenirs au fond de mon cœur. C'est du bon temps dans cette émission, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça se passe comme vous le voulez. Allez, on va continuer Michel Thor avec lui. Jamais seuls tous les deux. À la maison ou en vacances,

a trop de regrets pour t'oublier afin de toi. Souvenir de nous, où que j'aille ou que je sois, tu es partout. Un jour, une heure seulement, ensemble et comme avant. Revoir encore tes yeux, ton corps et y alma se me llena con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas, con el canto de tus vientos y el sollozar de viuda que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, pampa mía, me voy. Voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañadas, tapera donde he nacido. Si no volvemos a ver, tierra querida, quiero que sepas que alguien me dejó la vida. Pampa querida, me voy. Allez, c'est le quart d'heure italien et je vous promets des belles choses. Il cielo è una coperta ricamata. La luna fra le stelle fa la spia. Vorrei cantare a te la serenata con gli strumenti e con la compagnia. Lasciatela è bella, l'ho pitturata io col mio pennello, l'ho pitturata io il suo bel viso, sembrava un angiolin del paradiso, lasciatela. Nous sommes en plein dedans dans le quart d'heure italien avec de très très très très belles chansons. Je voudrais en profiter pour vous remercier de votre gentillesse. Et puis je ne veux pas dire en particulier qui que ce soit parce que vous êtes tous des amours et je vous aime très fort. Giocavi con la mia mano, nascosti tra le spighe d'oro, un mare che ondeggiava al vento, i tuoi capelli biondi come il miele, più chiari sotto il sole, ma che felicità. proposta per sognar. Prometto e giuro, sei tu il mio tesoro, ti chiudo in fondo al cuore, mai nessun ti troverà. Seduti all'ombra tante volte, quante ciliegie abbiamo raccolte. Papaveri di un bel rosso corallo, quel mare d'oro biondeggiava al vento. I tuoi capelli biondi come il miele, più chiari sotto il sole. Apposta per sognar, prometto e giuro, sei tu il mio tesoro, ti chiudo in fondo al cuore, mai nessun ti troverà. Grano maturo, amore, amor sincero. Prometto e giuro, sei tu. Ti chiudo in fondo al cuore, mai nessun ti troverà. Ti chiudo in fondo al cuore e mai nessun ti troverà. Vous êtes toujours là? Merci. Allez, une très très très belle chanson qui date des années... Ouh là là. L'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra un oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Per me, sorge senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri e i miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Ricordo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri e i miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Ricordo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri e i miei pensieri all'incontrario va. Ah, elle est belle, hein? Oui, oui, elle est belle. Elle a quelques années de route, comme on dit. Elle a, oui, oui, elle a déjà quelques années de route, mais voilà, elle est toujours là. Et elle nous ravive un peu ses oreilles, tout simplement. Allez, celle-ci aussi, celle que vous allez écouter, là, elle a aussi quelques années. Eh oui, que voulez-vous? Souvenir, souvenir, même en italien. Moretto, Moretto, lei è un bel giovinetto che porta i capelli le onde del mare, che porta i capelli le onde del mare. Le onde del mare, la barca filava, Moretto chiamava, biondina vien qua, Moretto chiamava, biondina vien qua. Sull'onda del mare, sull'onda del fiume, al chiaro di lume l'amore se fa, al chiaro di lume l'amore se fa. Venire non posso, parlarti nemmeno, o come faremo a fare l'amor, o come faremo a fare l'amor. Io senza Moretto non posso più star, io senza Moretto non posso più star. Mamma petenami, fammi il ciuffetto, che bel Moretto, che bel Moretto. Mamma petenami, fammi il ciuffetto, che bel Moretto, lo voglio sposar. Lai, la la la la, la la la la, la la la lera. Lai, la la la la, la la la la, la la la la la lera. Lai, la la la la, la la la la, la la la la la lera. Mamma va al mare, guarda che onda, la la la la la la la nera, che bella bionda, la voglio sposar. Eh bien, puisque c'est fini, et quand c'est fini, comme qui dirait l'autre, ça recommence. Et 50 anni che ti voglio bene, e 50 anni che vivo per te. Sono passate già tante bufere, ma siamo ancora insieme io e te. La nostra vita è volata via, ormai noi siamo nella terza età, e ci faremo sempre compagnia, fin quando il nostro Dio lo vorrà. Nella casa c'è armonia, solo quando ci sei tu, abbracciata ai nipotini, tu mi piaci sempre più. Se ti fanno disperare e non vogliono dormire, riprendi con amore e li stringi forte a te. Tu sei la donna che mi ha dato Dio, la mamma giusta per i figli miei. Dicono tutti che son fortunato, perché ho trovato una come te. E quando mi addormento sul divano, so già che tu mi copri con un plaid. Fino all'alba tieni la mia mano, addormentata sempre accanto a me. Nella casa c'è armonia, solo quando ci sei tu, abbracciata ai nipotini, mi piaci sempre più. Se ti fanno disperare e non vogliono dormire, li riprendi con amore e li stringi forte a te. Disperare con amore e li stringi forte a te. Li riprendi con amore e li stringi forte a te. Eh oui, 50 ans d'amour, ça vaut le coup, ça vaut la peine, 50 ans d'amour, une petite sérénade pour fêter tout ça. Serenata quasi a mezzanotte, guardi i ladri che si fanno a botte. I ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti. Per i pensionati un anno e un soldo in più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra, bella. Sulle mani che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello, andiamo. Affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria. Serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata. Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Ti aspetto qui, vicino al fuoco. In quest'inverno c'è qualcosa che non va. Non è Natale da una volta nella vita. Eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita. Come vorrei, amore mio, come vorrei. Voilà, moi je voudrais bien pouvoir continuer, mais voilà, les heures passent, les minutes également. Et donc, c'est fini. On se retrouve très, très bientôt sur le 91, sur le 102.5, pour une toute prochaine émission. Je vous aime, je vous embrasse, et vous les femmes, je vous embrasse. Je vous embrasse aussi. Écoutez Sorgé FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 FM et sur le 102.5 FM.